d'excentricité. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89.1. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Rookie. On a deux heures en tête à tête, vous et moi, alors on jasera de choses vraies dans C'est un fait et on discutera de marketing ensemble dans la chronique Le Bloc Pub. Assemblage Rookie commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Rookie. Bonjour et bienvenue à Assemblage Rookie en ce lundi 19 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis est pas avec nous ce matin, malheureusement. Oh, triste, je vais devoir faire deux heures ensemble avec vous, sans chroniqueur et sans co-animatrice. Mais il fait beau dehors, ça qui est le fun. C'est beaucoup de neige, c'est enseveli, mais on est bien. C'est le fun, c'est même beau à regarder. Alors amusez-vous ce matin en faisant des petits bonhommes de neige. Bon, donc aujourd'hui l'émission, on va voir c'est un fait, la chronique des choses véridiques, véritables et vérifiables. C'est avec ça qu'on va commencer tantôt. On va aussi faire le bloc pub en fin d'émission et peut-être d'autres affaires autour de ça. Je travaille encore sur le plan d'aujourd'hui alors qu'on se parle. Mais débutons en musique parce que quand il est le temps d'arriver puis le temps d'avoir contourné tout le chemin que je fais d'habitude, il fait que je le contourne. Il m'a pris deux fois plus de temps parce qu'il n'y a pas de chemin du tout. Belle fun. Donc il me fait en train d'arriver avec Brother Octopus qui retourne patauger hein, dans son océan. Voici Bigfoot. Featuring Ben Nintendo et Scott Oriott. 89 FM, c'est fou. Bonne émission. Saw Bigfoot in the yard last night, although no one believes me. Oh, signal. Pourquoi pas moi? Je te jure, bébé, j'y arriverai un jour. Je vais vivre le pied au plancher. Tout le monde se souvient d'un voyage. Tout le monde a su tourner la page. Sur la moindre possible rencontrer Angelo. Tout le monde dit que c'est mieux comme ça. Pourquoi? Pourquoi pas moi? De grandes ambitions. Tout le monde veut construire sa maison, finir sa petite vie sur une terre éloignée. Oh, tout le monde a le droit de rêver. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Je te jure, bébé, j'y arriverai un jour. Je vais vivre le pied au plancher. Tout le monde a des rêves, tout le monde a des enfants, tout le monde a des études, tout le monde prend soin de ses dents, tout le monde a tout compris, tout le monde a des gros seins, tout le monde a plein d'amis, personne n'a peur de rien. Pourquoi pas moi? Je te jure, bébé, j'y arriverai un jour, je vais vivre le pied au plancher. Allez, come on, Alex, déchire! Pas partie de la vraie vie, oh, tout le monde sait ça à part moi. Pourquoi? Pourquoi pas moi? Je te jure, bébé, j'y arriverai un jour, je vais vivre le pied au plancher. C'était huis clos et pourquoi pas moi, précédé de Brother Octopus et Bigfoot. Assemblage requis, c'est le moment de commencer avec site. Non, on commence pas avec ce que c'est un fait, c'est vrai. C'est son foutu palmarès. Allô? Foutu palmarès, c'est la chronique dans laquelle on liste un paquet de choses sur un sujet plus ou moins précis. Par exemple, cette fois-ci, la liste des sports d'hiver que vous devez d'essayer dans votre vie. Hein? Tu sais, c'est snowboard, la planche de neige, ça vous fait bailler. Skier, c'est tellement 2014. C'est peut-être le moment de changer vos activités d'hiver. Donc, une liste de petits sports ajoutés aux températures froides. Commençons avec le ski ballet. Ou le ballet, mais tu sais, ballet comme un ballet jazz, c'est pas comme un ballet à... à faire le ménage. Donc, populaire dans les années 70, le ski ballet, qu'on appelle aussi l'acro-ski, prenait le sport du ski, hein, et demandait aux athlètes d'ajouter des culbutes, des sauts, des mouvements de bras, tout ce qui est plus gracieux, tout ça, sur de la musique, bien sûr. Donc, du ski ballet, hein, du ballet ski. Ensuite, le horse ski drawing. Le ski drawing, c'est un sport en tant que tel. C'est quand des skieurs sont tirés par quelque chose d'autre, que ce soit une snowmobile ou n'importe quoi d'autre avec des chiens, peu importe. Donc on ajoute un cheval et ça donne quelque chose de vraiment spécial, le horse ski drawing. Évidemment, les chevaux sont plus puissants, donc les skieurs peuvent aller à des vitesses extraordinaires, ce qui leur permet de faire des cascades comme un saut de 56 pieds de long. Évidemment, on parle du skieur et non pas du cheval. Le snow polo maintenant. Hein, étant donné que vous avez sorti des chevaux pour faire du ski drawing, pourquoi ne pas prendre en plus quelques petits bâtons de polo? Hein, le premier match de polo sur neige a eu lieu en 1985 en Suisse. Et pour monter ça encore d'un cran, Le jeu a été joué sur un lac gelé. Aujourd'hui, le polo polaire est joué dans les pays froids, un petit peu partout dans le monde. Polo polaire, je trouve ça encore plus cool que le snow polo, moi, personnellement. Ensuite, le kayak des neiges, le snow kayaking, hein, le sport préféré, j'imagine, de Céline Dion. Donc, étant donné qu'il y a de la neige par terre, ça veut pas dire que votre kayak doit rester dans le garage. Hein? Le kayak des neiges, c'est un peu comme du sled extrême. Les participants vont cirer leur kayak et vont descendre la côte en utilisant leur... Leur pagaie, c'est ça? Pour se promener un petit peu comme on le ferait dans l'eau. Ensuite, la course à la pelle, la shovel racing. Vous avez peut-être entendu parler d'enfants qui se promenaient sur des pelles pour descendre dans des côtes de neige, dans des films de Noël. Il y a ça des fois, une fois de temps en temps. Mais bref, depuis plus de 30 ans, les gens se rassemblent au Nouveau-Mexique à chaque année pour un championnat de descente sur des pelles. Une compétition où des adultes, des hommes et des femmes vont graisser leurs pelles de métal et vont descendre des pentes de ski à 70 000 à l'heure. Ça, c'est quelque chose. 70 000, évidemment, qui veut dire en kilomètre-heure, 112,65. Voilà, je m'aide moi-même. Si les pelles sont trop traditionnelles pour vous, hein, y a toujours la course sur wok. Ouais, même les ex-champions olympiques ont toujours envie ou participent à ça, mettre leur postérieur sur un wok de métal de grade restaurant, c'est-à-dire utilisé dans des restaurants, pour descendre sur la glace. Un peu comme on ferait avec de la luge. Ensuite, le yacht sur glace. Donc, c'est populaire aux Pays-Bas. Et en Finlande, le ice yachting, c'est un croisement entre le windsurfing et le bateau à vent, un truc traditionnel. Donc, on va utiliser des techniques qui sont similaires à celles du sailing. Mais on va opérer ça un peu. C'est ça. Mais il y a des trucs en dessous du bateau qui vont opérer un petit peu comme des patins à glace pour s'agripper à la surface congelée. Donc, ça va du... c'est quoi le vélo là, qui avance avec le vent, là? Je me rappelle pas, désolé. J'ai des termes des fois que j'oublie. Ensuite, le speed flying. Donc, ceux qui font du parachutisme, des trucs comme ça, du skydiving et du paragliding se sont rassemblés, ont fusionné leurs idées ensemble. Ils avaient besoin d'un nouveau rush d'adrénaline. Donc, ils ont combiné leur sport. Ils ont rajouté une paire de skis là-dedans. Et donc, ils ont créé le speed flying. Les skieurs portent un parachute qui ressemble à quand on fait du c'est quoi? C'est du parapente, skydiving, je pense? Et ils vont contrôler leur ascension et le haut et le bas en faisant bouger leur ski. Ensuite, le kite skiing. Un petit peu moins terrifiant que le speed flying, le kite skiing, oui. On peut retracer ses racines jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on devait livrer des équipements dans les Alpes. Donc, les skieurs s'accrochaient à un gros cerf-volant et utilisaient le vent pour avancer. La plupart du temps, ils vont rester au sol, mais les speed flyers, qu'on appelle, vont à l'occasion essayer de monter dans les airs. Ensuite, le snow scooting. Si vous aimez le snowboard, la planche à neige, si vous aimez le vélo de montagne, vous pouvez faire les deux en même temps. Un snow scooter, c'est un petit snowboard avec des poignées attachées en avant pour que les personnes qui se promènent dessus puissent guider, un peu comme on guiderait un vélo. Ensuite, le ski bobbing, toujours dans le palmarès, la liste des sports d'hiver à essayer. Le ski bobbing, si vous aimez l'idée de faire du snow scooting, comme on vient de dire, mais vous avez besoin de plus que des poignées. Le ski bob, c'est essentiellement un frame de vélo, donc un vélo presque au complet attaché à des skis. Donc, c'est un sport d'hiver parfait pour ceux qui ont des problèmes de genoux. Ensuite, le shark ice fishing. Pêche aux requins sur glace, si je comprends bien. Donc, tout le monde peut aller pêcher sur glace, sur la glace, mais ça prend quelqu'un d'assez extrême pour aller pêcher des requins, hein, qui pèsent plus de 1000 livres et qui mesurent jusqu'à 21 pieds. Le Somniosus microcéphalus, donc ça, c'est une sorte de requin qui va être un nouveau défi, même pour les pêcheurs les plus expérimentés. Le snow tubing, ensuite, exactement comme les gros tubes, les gros bangs, comme on appelle, sur un lac. La seule prouesse athlétique de cette activité d'hiver, c'est de s'agripper. Hein? Le but est juste de s'accrocher à l'appareil. Et ensuite de descendre. C'est ça, une côte. Le ice karting. Hein, on évite la glace souvent quand on est derrière un volant. Il y en a qui vont éviter la glace, qui vont pas conduire l'hiver quand il y a des grosses plaques de glace. Mais ça enlèverait le plaisir du ice karting, où la piste au complet a été gelée. Pour évidemment créer un défi de plus pour les conducteurs. Certains karts sont modifiés avec des pneus, avec des crampons, pour encore plus s'agripper à la glace. Et le dernier dans la liste des sports d'hiver, c'est le bandy. Un autre mash-up, un autre mélange de sports. Le bandy a des éléments de soccer, de football américain, de hockey et de hockey sur... Ben en fait, de hockey sur glace et de hockey sur gazon. C'est populaire outre-mer. Il y a plus d'un million de joueurs en Russie. Il y a un seul terrain de bandy aux États-Unis. C'est au Minnesota. Si vous voulez aller jouer au bandy, soccer, football américain, hockey sur glace et hockey sur gazon. Tout ça mélangé ensemble. Voilà. Ça, c'était la liste des sports d'hiver à essayer. Tant qu'à faire des palmarès, je me suis dit que je pourrais continuer avec des listes pas mal inutiles, encore plus inutiles que ça. L'autre, c'était inutile, mais en même temps, c'était pertinent et intéressant à savoir. Celui-là, c'est juste complètement inutile. Vous connaissez peut-être le Lorem Ipsum ou le Lorem Ipsum de leur site Amet. C'est une référence à un paquet de textes qu'on utilise. On dit des fois que c'est en latin. J'ai lu des articles qui disaient que ça l'était pas. T'sais, allez savoir. Mais c'est du latin si on veut. Utilisé pour remplir la place d'un texte qui va arriver dans le futur pour... des raisons de design, vous faites une affiche, vous montez un journal, un magazine, vous avez besoin de texte pour remplir, vous voulez pas utiliser n'importe quoi, et vous voulez du texte qui va avoir des mots de différentes longueurs qui vont se couper aux bonnes places. Donc, on utilise du Lorem Ipsum en design. L-O-R-E-M, I-P-S-U-M. On appelle ça comme ça parce que c'est évidemment les premiers mots du texte. Donc, le texte classique vient de Cicéro. Hein, mais il a été un petit peu brouillé, un petit peu mélangé pour être à peine compréhensible. C'est pour ça que ça a parti du latin, finalement. Lorem Ipsum qui a été utilisé pour tester les presses avant Internet, bien sûr, mais depuis ce temps-là, tout le monde qui fait du design de site web utilise ça sur Internet aussi. Il y a des sites qui génèrent du Lorem Ipsum à la tonne. Et étant donné qu'on en voit beaucoup, les designers nous ont donné quelques alternatives à ce faux texte, juste pour faire rire. Donc, commençons par le Riker Ipsum, qui génère du texte en utilisant les lignes de dialogue du commandant William P. Riker dans la série télévisée Star Trek Next Generation. Hein? Vous appuyez sur le bouton More et vous avez plus de phrases encore dans un ordre qui n'est pas précis. Donc, je recommande que vous ne tiriez pas avant d'être à 40 000 km de distance. Tu as fait exactement ce que tu devais faire. Tu as considéré toutes tes options. Et là, c'est des phrases clés de M. Riker. Ensuite, le Yorkshire Ipsum. Un gros accent Yorkshire épais est à peine compréhensible pour ceux qui vivent pas à Yorkshire, qui ne vivent pas là. Écrire l'anglais phonétiquement pour montrer l'accent, c'est très très difficile. Donc c'est ce qu'on nous donne dans le Yorkshire Ipsum. Des phrases générées un petit peu au hasard qui peuvent être vulgaires. Évidemment, je vais pas essayer de le lire avec l'accent, mais Where's Dabin? Willie Ackerslick, Marty Boom Baba. Je comprends rien. Ensuite, le Samuel L. Ipsum. Si vous voulez générer du texte qui vous rappelle les personnages interprétés par Samuel L. Jackson dans ses films, vous avez le choix de générer du Slipsum avec la profanité. Donc, les sacres toujours intacts dans la version classique et aussi une version qui génère des citations sans sacre, sans juron. Donc, c'est des citations qui ne sont pas censurées à la base, qui sont choisies seulement pour leur contenu. Et c'est même pas du texte incompréhensible, ça en fait parfaitement compréhensible. C'est des paragraphes complets de texte, des dialogues de Samuel L. Jackson. Ensuite, Bacon Ipsum. Ça rajoute un petit peu de viande sur votre texte. vous pouvez changer les paramètres pour ajouter un petit peu de moins latin pour briser le carnivorage, si on veut, de tout ça. Donc, Chuck Swan, Jowl Ham, Frankfurter. Donc, c'est évidemment des mots qui ont rapport avec le porc, mais pas seulement le porc. Donc, du poulet, du salami, T-bone, ribeye, saucisse, prosciutto, etc. Tout ça mélangé ensemble et on peut acheter, comme je disais, du latin. Il y a aussi le Veggie Ipsum en passant pour ceux qui aiment plus les légumes. Le Cat Ipsum ensuite. Peter Tracy a une bande dessinée sur le web qui s'appelle Life Loosely Based. Il a aussi fait un générateur de texte nommé Cat Ipsum qui génère du texte relié au chat. C'est des phrases que tous les propriétaires de chats pourraient comprendre. Hein? Donc, pooping rainbow while flying in a toasted bread costume. Donc, déféquer des arcs-en-ciel tout en volant dans un costume de gris-pain ou de pain grillé. Dans l'espace, etc. Donc, c'est le truc par rapport au fly, au Nyan 4. Ensuite, Cupcake Ipsum, hein, qui va causer évidemment quelques problèmes pour ceux qui ont faim le matin. Moi, entre autres, ceux qui aiment le sucre. Donc, c'est des liens par rapport au cupcake. Gingerbread Cake Jelly Pudding Jelly Beans, hein? Donc, gâteau, confiture, pudding, gelée, etc. Ensuite, le Online Dating Ipsum. C'est la designer Lauren Halden qui a développé le Online Dating Ipsum pour générer une salade de mots pour remplir, en fait, qui prend ses origines dans les profils sur des sites de rencontres. Donc, on prend des phrases qui sont communes à tout ça. Quelque chose comme Introvert Jazz Cafes Having a Few Beers Self-Deprecating Humor. Donc, un introverti, café jazz, boire quelques bières, humour, autodérision, etc., etc. Donc, c'est des trucs qu'on verrait souvent dans des profils de rencontres. Le Lorem Gibson, maintenant. Lorem Gibson, c'est un site web qui va vous remplir du texte basé sur le romancier contemporain William Gibson. Donc, c'est des verbes, des mots qui connectent tout ça et une attention particulière sur les noms. Donc, par exemple, hot dog, sistema, plastique, tanto, concrete, car, refrigerator. Vous voyez, ça donne pas des phrases vraiment, en plus, un gros ramassis de mots. Ensuite, le hipster Ipsum, qu'on peut aussi appeler le Hipsum. Vous pouvez prendre ces mots-là la prochaine fois que vous voulez ajouter un petit peu de mots contre les hipsters. Donc, par exemple, Occupy, McSweeney's, Roof Party, Biodiesel, Letterpress, Asymmetrical. Quelque chose d'asymétrique, c'est toujours bien hipster. Et finalement, le Hoder Ipsum. On connaît pas le vrai nom de ce personnage-là dans la série de télé Trône de Fer, Game of Thrones, parce qu'il nous a jamais dit quel est son nom complet, mais il nous dit souvent Hodor. C'est la seule chose, en fait, qu'il dit, donc on l'appelle Hodor. Il y a un Hodor Ipsum Generator qui utilise le mot Hodor en majuscule, en minuscule, avec des virgules, des points-virgules, des points, des traits d'union, etc., etc. Et évidemment, vous n'avez pas vraiment besoin du générateur parce que vous pourriez le taper vous-même, mais pour ceux qui sont paresseux, c'est ce que ça donne. En passant, fiez-vous pas sur le Hodor, parce que les mots sont tous de la même longueur. Pour remplir du texte sur une affiche ou dans un journal, vous avez besoin de mots de différentes longueurs. Hein? Donc ça marche pas pendant tout. Il y aurait dû faire les holders avec plusieurs O ou plusieurs. Plusieurs O au début ou plusieurs O à la fin. Hein? Voilà. Ah! C'est tout pour cette portion de son foutu palmarès. C'était cool d'apprendre des affaires comme ça dans le premier bloc, puis après ça de se divertir juste un petit peu dans le deuxième bloc. Ah. On écoute une pièce de OK Go, Obsession, puis après ça on revient avec C'est un fait. Ça vous tente ça? Vous êtes à Assemblage Wiki. Ça c'est fou. 89. A look so quick, a movement so slight, you could almost imagine it didn't just happen. But everything will change in just one look, one little glance. It's not passing fascination now. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. It's obsession. Obsession par OK Go. Au retour, une autre chronique sur Foutu Palmarès parce que j'ai trouvé un que je trouve vraiment intéressant. On parlait de téléphone et l'étiquette au téléphone dans le bon vieux temps. Tout ça et c'est un fait. Au retour, assemblage requis. Restez là. Fou de merveilleux. Sur le campus, à Trois-Rivières, c'est le 89. Écoutez-nous en direct sur le web sur cfou.ca. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Toujours à Assemblage requis en ce lundi 19 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui. On va la revoir demain, j'espère bien. Vous savez peut-être qu'aujourd'hui, lundi, c'est le début du carnaval étudiant. Donc avant de passer à cet effet, voici ce qui s'en vient aujourd'hui au carnaval. Il était une fois le carnaval étudiant. Une présentation du CAPS UQTR. En ce lundi, le carnaval ouvre ses portes en vous invitant à vous pavaner dans vos costumes durant la parade dès 10 h. À midi, on poursuit avec la course à relais. Viens jouer avec C'est fou à 14 h pour répondre au quiz musical. Ensuite, c'est le temps de venir créer la maison de tes rêves. À 19 h, fais rire la gang avec ta blague et mérite-toi une bière. Et pourquoi ne pas finir de te dilater la rate au spectacle d'humoristes de 21h30 avec Sam Breton et Phil Roy. Au carnaval étudiant, viens créer ta propre histoire. Ah, ça s'annonce comme une excellente journée, surtout le coup C'est fou la musique à 14h, soyez-y. Ça va être fantastique comme à chaque année. Venez montrer que vous connaissez ça, la bonne musique à la place de juste la musique qui joue ailleurs, genre. Ça nous amène à cet effet. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait, c'est un fait. Pas sûr, ça. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables d'assemblage requis. Donc, on va essayer d'apprendre le plus de choses possible en le moins de temps possible. Et quand je suis tout seul, ça veut dire pas d'interruption, ça veut dire que je vais peut-être réussir à faire mes 70 faits. Ou peut-être pas. Connaissez-vous l'incompétence stratégique? Incompétence stratégique, est-ce que ça vous dit quelque chose? C'est l'art d'éviter certaines choses en faisant semblant de performer une tâche tellement mal que ça va décourager quelqu'un à vous l'assigner la prochaine fois. Hein? Tu vas le faire tellement mal qu'on te redemandera jamais de le refaire. C'est de l'incompétence stratégique. Si vous êtes citoyen de n'importe quel territoire, propriété du Royaume-Uni, n'importe quel territoire outre-mer, vous pouvez appliquer... demandez à la reine de vous envoyer un message personnalisé pour votre 60e, 65e et 70e anniversaire de mariage et ensuite à chaque année. Donc 60, 65, 70 et après ça 71, 72, 73 parce que ça fait assez longtemps. Pour les anniversaires, vous pouvez avoir un message pour votre 100e anniversaire, ensuite votre 105e anniversaire et après ça à chaque année 106, 107, 108. Hein, la reine va vous envoyer une carte et une photo sur assemblagerequis.com. Un homme a dépensé 60, c'est pire que ça, c'est 600 $ par jour sur la loterie en Floride. Il s'est accumulé 600 000 $ de dettes avant d'enfin encaisser le jackpot. Ça ne dit pas de combien était le jackpot, j'imagine plusieurs millions, mais 600 $ par jour, ça c'est beaucoup d'argent. Connaissez-vous Ren Xiaofeng? C'est le gérant de la banque agriculturelle de la Chine, donc The Agricultural Bank of China, qui a volé 26 000 $ de la banque avec l'intention d'acheter des billets de loterie, de gagner et ensuite de repayer son vol d'origine, mais faire de l'argent dessus. T'sais. Contre toutes les chances, ça a fonctionné. Hein? Donc, il a réessayé avec son 6,7 millions. Ensuite, il a tout perdu. Sauf 95 000 $ et sa sentence a été la mort. Hein? Imagine, tu pousses ta chance, ça a marché une fois. Là. Abandonne, abandonne, s'il te plaît. En 1954, un garçon de 15 ans a dit à ses parents qu'il s'en allait à l'école. Ensuite, à la place, il a fait du vélo pendant 700 000 pendant une semaine de Washington D.C. jusqu'à Atlanta parce qu'il avait vraiment envie de manger le poulet frit de sa grand-mère. Il a fait du vélo jusque chez sa grand-mère. T'imagines? Et ça, c'était en 1954. Là, il n'y avait pas tant de GPS pour savoir où s'en aller. T'sais. On va chercher 700 000 miles en kilomètres. Ça fait 1126,5 kilomètres. 2,5 est particulièrement difficile, j'entends dire. Ensuite, un homme nommé Tim Kaijala a demandé à sa copine de le marier d'une façon très, très unique. Il a amené sa copine courir, puisque là, bon, ça va. Ils ont terminé leur course à l'endroit où ils s'étaient rencontrés. Encore là, c'est romantique, mais c'est rien de bien spécial. Il lui a montré son tracker GPS, donc le chemin qu'ils avaient parcouru. Et la route disait évidemment « Marry me ».« Marie-moi ». Ah, en marchant, ils ont fait exactement les... Imagine, là, je veux dire, ça devait avoir l'air bizarre pour la fille de courir un petit peu n'importe comment dans les rues, mais ça donnait ça. La pierre tombale de J.R.R. Tolkien et de sa femme Edith ont les mots Luthien et Beren, qui sont deux personnages légendaires dans Le Seigneur des Anneaux, qui étaient follement en amour, les deux personnages, donc ils étaient aussi, j'imagine, en amour. On sait que J.R.R. Tolkien, c'est l'auteur de Lord of the Rings. Le peintre célèbre Salvador Dali évitait de payer les restaurants où il mangeait en dessinant sur les chèques. Il était certain que le propriétaire ne voudrait jamais encaisser un chèque avec une œuvre de Salvador Dali dessus. Donc, ben c'est ça. Il pouvait manger sans payer. Attends un peu. si Steph était là, elle me corrigerait instantanément, comme toujours. Donc, Seal, c'est bel et bien un... Fuck, voilà, un fuck. C'est connu, en fait, c'est pas connu, mais parmi les gens qui connaissent des choses sur les animaux, hein, les phoques vont rire souvent avec leurs amis, même pendant plusieurs heures de suite. Ils vont leur pogner un petit faux rire, les phoques. C'est cute, hein? Vous pouvez voir des gifs animés et des vidéos sur assemblagerequipe.com. Le caractère le plus complexe dans la langue chinoise prend 57 traits à dessiner. C'est un plat aux nouilles. Fait à partir de nouilles. Vous pouvez voir encore une fois ce symbole, le caractère sur assemblagerequipe.com. J'essaierai même pas de vous le décrire tellement c'est compliqué. Mais on dirait, je trouve de loin, si j'avais, tu sais, un peu comme les taches d'encre en psychologie, j'aurais tendance à dire une cage d'oiseaux. Un nid dans un arbre. Un mélange des deux. C'est ma réponse. Et c'est final. Si vous vendez une maison en Californie et que depuis les trois dernières années, quelqu'un est mort à l'intérieur de votre maison, c'est considéré comme une défectuosité matérielle, un défaut matériel, et donc vous devez le dire. Le vendeur de la maison doit le dire, à moins que la mort ait été à cause d'un sida, du sida. Dans ce cas-là, ce serait de la discrimination de le dire. C'est pas une défectuosité. Un ancien membre des Khmers Rouges au Cambodge nommé Akira est là depuis 20 ans en train de désarmer les mines un peu partout dans le pays. Il se fait pas payer, il a aucune armure, mais c'est sa mission. Akira, depuis 20 ans, qui désarme des mines. Les étudiants de Karasjok, au nord de la Norvège, n'ont pas le droit de rester à la maison avant qu'il fasse moins 50 degrés Celsius ou moins 58 degrés Fahrenheit. L'autobus écolière, si on veut, va arrêter de se promener à moins 38 degrés Celsius ou moins 36 degrés Fahrenheit. Ça, c'est vraiment froid. C'est en Norvège, à Karasjok. Il y a une piscine secrète dans le désert du Mojave que n'importe qui peut utiliser. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de pancarte qui mène à la piscine. En fait, il faut utiliser une des quatre clés disponibles qui vous sont données par le créateur de la piscine. Une fois que vous trouvez ça, vous pouvez insérer la clé et ça va se transformer en piscine. Tout ce dont vous avez besoin, c'est une carte, une genre de carte routière, une map pour la trouver. Et vous pouvez pas dire à personne où est située cette piscine-là. C'est dans le désert de Mojave. Allez voir l'article sur assemblagerequipe.com, comme toujours. Einstein, quand il s'est divorcé de sa femme, il a offert à sa femme tout l'argent qu'il récolterait si jamais il gagnait le prix Nobel. Sa femme a accepté, et plusieurs années plus tard, il lui a évidemment donné la moitié de l'argent de son prix Nobel. C'est ce qu'on appelle encore une fois tenir sa parole. Il a offert l'argent en 1919 dans un document signé par un notaire, et on lui a donné le prix Nobel en physique en 1921, deux ans plus tard. Par la Deuxième Guerre mondiale, le Canada donnait des boutons, des petits écussons, des petits macarons, des pins, certains diraient, aux gens qui essayaient de s'enlister dans l'armée, mais qui se faisaient refuser à cause de raisons médicales. C'était pour montrer qu'ils voulaient vraiment se battre pour leur pays et qu'ils étaient tous patriotes. Donc on donnait un petit macaron, j'ai essayé, mais ils m'ont refusé, donc c'est pas de ma faute. Catherine Himmler, l'arrière-nièce, grand-niece, je crois que c'est l'arrière-petite-nièce. En tout cas, mais quelqu'un de moyennement éloigné du SS Reichsführer Heinrich Himmler, hein, qui n'a pas refusé, elle, d'avoir des enfants pour terminer, si on veut, le règne sanguin de son arrière-oncle. Elle croit que l'idée du bien et du mal qui passera à travers le sang est en elle-même ou en soi-même la réflexion de l'idéologie nazie. Donc elle ne croit pas à ça et elle a décidé d'avoir des enfants pour quand même continuer la famille. En Islande, la langue islandaise, c'est bien ça, islandaise, qui a changé si peu depuis les 1000 dernières années que même les Islandais aujourd'hui peuvent lire des textes du 12e siècle sans aucune difficulté. Ça me fascine. Il y a une étude satirique publiée dans le journal médical britannique, le British Medical Journal, en 2003, en réponse à ceux qui, tu sais, au mouvement anti-vaccin. Il y a un grand mouvement anti-vaccin depuis plusieurs années. Des vedettes d'Hollywood n'arrêtent pas de parler contre les vaccins, comme de quoi que ça cause plein de problèmes. Mais donc, on a publié une satire dans le British Medical Journal qui s'appelait « Le parachute pourrait être utilisé pour empêcher la mort ». Des traumas majeurs reliés aux défis aux règles gravitationnelles. Bref, ça voulait dire la conclusion qu'on devrait prendre les gens qui sont anti-vaccins et les lancer en bas d'un avion sans parachute. Donc c'était l'étude qu'on avait montrée dans le British Medical Journal que c'est qu'ils allaient pas mourir même s'il y a pas de parachute. T'sais? Genre. L'État de l'Utah aux États-Unis donne des maisons gratuites aux sans-abri depuis 2005. C'est plus efficace côté financier d'aider les sans-abri et empêcher d'avoir des sans-abri dans les rues dans l'Utah. Donc ça a empêché, en fait, ça a coupé le nombre de sans-abri dans l'Utah de 74%. Nous citons la source, encore une fois, sur assemblagerequis.com. Ça vient directement du New Yorker Magazine. James Doohan, qu'on connaît pour Star Trek, qui jouait Scotty, a sauvé un fan du suicide. Après avoir reçu une note suicidaire, il a convaincu cette une fille, il l'a convaincu de se présenter à la prochaine apparition de James Doohan à une convention, un genre de Comic-Con ou un autre équivalent de ça. Plus tard, il a découvert que ses encouragements l'ont mené non seulement à ne pas se tuer, mais ça l'a aussi inspiré à retourner à l'école et à devenir ingénieur en électronique. Donc bravo James Doohan, Scotty dans Star Trek Beam Me Up Before You Go Go. Walt Disney avait planifié construire sa propre ville où tout le monde serait un employé de Disney. Et tout le monde travaillait, donc dans le fond tout le monde travaillerait pour Disney d'une certaine façon. Ils paieraient tous leur loyer, donc pas question d'avoir des loyers gratuits. En fait, ils paieraient pour avoir le privilège de vivre dans cette ville-là. Et puis on leur assurait toujours les plus récentes technologies dans leur maison. Ça s'appelait Experimental Prototype City of Tomorrow, le Epcot. Vous avez certainement entendu parler du Epcot Center. C'est chez Disney, je crois. Donc, c'est un prototype expérimental d'une ville de demain. Voilà. Le Epcot Theme Park a tiré son nom de là. Jimi Hendrix a joué une chanson dédiée à Martin Luther King Jr. le jour après son assassinat. On décrit cette chanson-là comme une des plus belles chansons. Une des chansons les plus hantantes, si on veut. Donc, qui te hanterait pour le reste de ta vie. J'aimerais bien vous la faire jouer, mais malheureusement, personne au concert a enregistré cette chanson-là de Jimi Hendrix, le lendemain de la mort de Martin Luther King. Mais tu sais, ça c'était à l'époque où, quand t'étais à un concert, tu sortais pas ton iPad. Tu laissais ton iPad dans ton sac. Non, c'est une blague, je sais. Mais c'est ça, au moins les gens écoutaient à la place. C'est sûrement qu'il y en avait qui avaient leur enregistreuse, t'sais, ça arrivait, mais on n'a pas enregistré cette performance-là. Le Nutella européen a un arôme chocolaté plus intense que la version nord-américaine et sa consistance est un petit peu différente aussi. Il y a une photo sur assemblagerequis.com, comme la plupart des articles de ces temps-ci dans C'est un fait. Bonne chance pour le trouver. Allez-y en suivant l'ordre, parce que je l'ai fait dans l'ordre, dans les notes d'émission d'aujourd'hui, lundi 19 janvier. C'est un petit peu plus visqueux d'un bord que de l'autre. Un petit peu plus. En 1959, les citoyens de Sao Paulo au Brésil étaient tellement fâchés contre leur gouvernement qu'ils ont élu un rhinocéros nommé Cacareso, voulant dire genre gros déchet, si on veut. ils l'ont acclamé en signe de manifestation, si on veut. Elle, le rhinocéros Cacaresso, a reçu le plus de votes, 100 000, avec aplomb, nous dit-on. Le rhinocéros gagne les élections brésiliennes avec aplomb, dit l'article de journal. Le gâteau au fromage, c'est une invention grecque. C'était servi aux premiers Jeux Olympiques, le gâteau au fromage. Le premier cheesecake qui aurait été créé sur l'île grecque de Samos. Les anthropologues physiques ont trouvé des moules de fromage qui datent de 2000 ans avant J.C. Lauzon. En Grèce, le gâteau au fromage était une bonne source d'énergie. Il y a même certains facteurs de l'évidence, voilà, qu'on dit que c'était servi à des athlètes pendant les premiers Jeux Olympiques en 776 avant J.C. Les femmes, les mariées grecques et les maris grecs utilisaient aussi du gâteau au fromage comme gâteau de mariage. Il y avait du goût, parce que Colin, que c'est parmi mes gâteaux préférés, ça. Il y a des lunettes qui sont faites exprès pour aider les daltoniens à voir plus de couleurs. Ça va étirer le spectre de couleurs que les daltoniens peuvent voir, parce qu'ils sont les daltoniens voient moins grand rayon de couleurs. Donc allez voir un exemple, encore une fois, sur notre site. Le Pentagone, ou le Pentagone, peu importe comment vous décidez de l'appeler, est en train de développer en ce moment une gomme à mâcher de combat. Combat Chewing Gum pourrait aider les soldats à maintenir une hygiène dentaire pendant qu'ils sont au combat. On s'attend à ce que ça économise à l'armée 100 millions de dollars par année en services dentaires. 100 millions de dollars par année avec cette gomme de combat. C'est sûr qu'à un moment donné, il va y avoir ça en vente sur Internet, puis ça va passer directement de site fait à SexPress, ça devrait répondre là. La chronique des gadgets inutiles qu'on fait le mercredi. Un jour, peut-être une imitation du moins. Entre 2010 et 2000, ça me donne envie d'essayer, tu sais, les bonbons pour les gâteries pour chiens qui disent que ça brosse les dents en même temps. Ils devraient en faire pour humains. Je disais quoi? Entre 2010 et 2012, les tests d'ADN nous ont appris que plus de la moitié des poissons qui sont étiquetés et vendus sous le nom de thon aux États-Unis ne sont pas vraiment du thon. 87% des Red Snapper vendus aussi sont complètement mal étiquetés. Il y a un problème d'ADN avec ces poissons-là. On va devoir régler le problème. Bethlehem, l'hhôpital royal de Bethlehem, Bethlehem Royal Hospital, est certainement institution psychiatrique les plus reconnues dans le monde. Elle existe depuis 1247, oui, je pensais faire une erreur, 1247, et c'est ce qu'on va appeler, entre guillemets, un asile de fous, célèbre, ou même infâme. Au 18e siècle, les gens allaient à Bethlehem pour regarder les personnes avec problèmes mentaux. Pour un cent, on pouvait regarder dans leurs cellules, faire peur à ces patients-là, et puis rire d'eux. Donc, généralement, on pouvait aussi rire de leur bataille. Ils se battaient souvent, assez violemment. Le frais était payé, donc gratuit, le premier mardi de chaque mois. Donc on pouvait se présenter sans payer le premier mardi de chaque mois. Le résultat, c'était un cent. Les visiteurs avaient le droit d'apporter de longs bâtons pour piquer et enrager les patients. En 1814, l'information qui nous est accessible. En 1814, il y avait eu 96 000 visites à l'hôpital royal de Bethlehem, donc à Bethlehem. Pendant l'âge d'or de l'islam, les scientifiques étaient payés l'équivalent de ce que les athlètes professionnels reçoivent aujourd'hui. Hein? Donc, pendant l'âge d'or, les villes capitales majeures de Bagdad, du Caire et de Cordoba étaient des centres intellectuels pour la science, la philosophie, la médecine et l'éducation. Le gouvernement payait les plus intelligents, les meilleurs traducteurs, tout ça avait des salaires comparables aux athlètes professionnels d'aujourd'hui. C'était les sportifs du moment. Et quand même que c'était plus utile à la société, ça. Faire sécher... Ah là, celle-là va causer des problèmes, des débats, je pense, dans la vie. T'sais, le débat entre le sport et la science, je pense qu'on sait qui gagne côté intelligence et qui gagne côté divertissement, peut-être. Même là, le débat pourrait continuer longtemps, mais se sécher les mains avec une serviette de papier va réduire les bactéries de 45 à 60% sur vos mains. sais, quand on vous dit à la télé d'acheter les serviettes, là, je sais pas c'est quelle compagnie qui fabrique ça, mais des Scott Towel, des essuie-tout, mais plus épais, pour vous essuyer les mains et ensuite jeter ça. On vous dit vous allez empêcher les bactéries. Mais Colin, c'est prouvé selon les études. 45 à 60% moins de bactéries sur vos mains. Par contre, utiliser un sèche-main, un séchoir, va augmenter les bactéries sur vos mains de 255%. Parce que ça va faire sortir les bactéries qui vivent déjà dans un environnement très très humide et chaud, tiède, c'est-à-dire le sèche-main lui-même. Donc vous vous lavez les mains, vous passez ça sous le séchoir et vous augmentez vos bactéries de 255%. Selon un article de ABC Australia. Hein, ça vaut ce que ça vaut. Mais quand même, sachez-le. Une serviette de papier, c'est meilleur. Et de toute façon, je m'embarque sur votre affaire, mais j'avais lu un article. Ça veut pas dire que c'est un article très très fiable celui-là, parce que je l'ai même pas en source pour vous en ce moment. Mais que, tu sais, il y en a qui vont dire que ça va gaspiller du papier, le papier pour se sécher les mains. Évidemment, ça gaspille du papier. Mais ça gaspille, je pense, plus genre en électricité. Il y a une raison d'utiliser du papier. Puis là, je m'en rappelle pas. Puis là, je m'embarquais dans quelque chose que j'aurais pas dû m'embarquer. Mais bref, je pense que ça coûte plus cher de faire fonctionner l'électricité. En tout cas, bref. Peu importe, faites ce que vous voulez de toute façon. Les oiseaux. Hein? Les oiseaux dans les grandes villes ont appris à remplir leur nid, en tout cas de se faire un contour, un pourtour dans leur nid avec des botches de cigarettes pour éliminer les parasites, parce que la nicotine brûlée va fonctionner comme insecticide pour éliminer plusieurs sortes d'insectes. Les cigarettes. Tiens, on nous dit qu'une des raisons pour lesquelles les mères ont toujours l'envie impulsive d'embrasser leur bébé nouveau-né, c'est que la mère va enlever les bactéries et les virus sur la peau du bébé, et ensuite ses cellules à elle, ses cellules immunitaires vont créer des anticorps qui vont se rendre dans son lait maternel, ce qui va protéger le bébé d'une infection future, une infection imminente. Fascinant quand même de savoir ça, je ne me serais pas attendu. Ensuite, un voleur d'identité qui a volé l'identité d'un chirurgien pendant qu'il était à bord du Navy Destroyer. On lui a demandé de performer plusieurs chirurgies pour sauver des vies. Il a réussi à mémoriser un livre médical au complet juste avant de faire l'opération. Et les opérations, en fait, et tous les patients ont survécu. Hein? Son nom était Ferdinand Waldo Demara. Donc, lui, il a appris assez rapidement. Quand tu sais, quand ton sort en dépend, parce que probablement que voler l'identité d'un chirurgien, je sais pas, à l'époque, peut-être que tu te serais fait pas apprécier nécessairement, peut-être acheter en prison ou pire encore. Donc, si ta vie en dépend, tu te forces et tu apprends. Si ta vie en dépend, tu te forces et tu apprends. Nouveau slogan pour l'UQTR. Si tu meurs à Amsterdam et que t'as pas de ce qu'on appelle en anglais un next of kin, ça c'est une personne qui est reliée à toi à travers le sang. Donc quelqu'un de très très proche de toi, dans ta famille finalement, très proche. Un poète va écrire un poème pour toi. Il va le réciter à tes funérailles. Donc si tu meurs à Amsterdam et que t'as pas de next of kin. Y a un village aux Pays-Bas qui n'a pas de route. Le seul moyen de transport, c'est par bateau. Il y a des photos sur assemblagerequis.com et c'est, je trouve, assez intéressant. C'est comme des petites îles avec une maison sur une île. Ensuite, un petit cours d'eau, un autre terrain avec une autre maison dessus. Donc, c'est un village aux Pays-Bas. Et on va terminer ce premier bloc avec une compagnie qui fabrique des miroirs non renversants. Donc, à la place de vous miroiter, donc vous montrer à l'envers, c'est-à-dire que votre gauche devient la gauche du miroir pour que ce soit du même bord de la gauche. À la place, ça va vous montrer de quoi vous avez l'air pour les autres. Un peu comme on a tous été impressionnés par nos... surpris la première fois peut-être par notre webcam. Vous savez, les webcams sur Skype vont renverser l'image pour que ça ressemble à un miroir, pour que tu sois pas déboussolé, si on veut. Mais tu pouvais, dans le temps, en tout cas, tu dois pouvoir encore aujourd'hui le remettre en mode la vraie vie. Et c'est pas toujours évident de savoir... Si tu t'attends pas à ça, c'est comme ceux qui font de la télé, qui doivent se regarder dans le moniteur, puis il faut qu'ils, dans le fond, c'est le contraire de miroir. C'est un peu bizarre. Bref, ça existe. C'est ça, ça existe. Mais ça devrait peut-être pas. On l'a. Hein? Voilà pour la première partie de C'est un fait. On s'en fait une deuxième tout à l'heure. Encore plus de faits en rafale. Je vous jure, je pense que je vais passer à travers mes 70 liens d'aujourd'hui. C'est vraiment rare que je me range jusqu'à la fin, donc on s'y attend pas trop. Retour à Assemblage Requis, plus de C'est un fait. Aussi, on va parler de marketing si la fin de l'émission dans le bloc pub. Vous êtes à Assemblage Requis jusqu'à 9h30. Sur le campus, à 3 Le service aux étudiants de l'UQTR. On va repartir, ça va. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Miroir à l'envers à l'endroit, ça m'a pris par surprise. Toujours Assemblage requis en ce lundi 19 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante. Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui. On lui souhaite un prompt rétablissement, bien sûr, bien sûr. Dans quelques minutes, on continuera C'est un fait. Mais avant ça, on s'écoute une gentille petite pièce de Caravane sur leur album Chien Noir. Oh, bon chien, bon chien. Voici Saint-Raymond sur C'est fou, 89.1 FM. Chaque gorgée de rhum me ramène au début de nos histoires. Chaque gorgée de rhum me rappelle que c'est l'automne. J'ai plus envie de boire pour oublier qu'il faut recommencer. Je me fous des rockstars de fin de semaine puisqu'ils pensent de moi. Assemblage requis au 89.1 FM, c'est fou! En début d'émission, on avait commencé son Foutu Palmarès et je vous avais dit qu'il restait une chronique, un bout de chronique. Donc retournons-y sur Foutu Palmarès. Je suis maintenant à la baisse. On oublie les projets, ma position. pourquoi s'empêcher de remettre l'intro quand je suis seul, hein? Ça prend un petit 40 secondes de plus. Donc, son foutu palmarès, c'est la chronique dans laquelle on a établi une liste sur un sujet précis. Cette fois-ci, je trouve ça vraiment intéressant, c'est 15 règles de l'étiquette du téléphone dans le temps. Tu sais, les téléphones modernes, ça fait à peu près tout, là. C'est facile d'oublier que ça fait aussi des appels téléphoniques. Donc, on retourne dans le temps des règles de l'étiquette du bon vieux moment où la technologie était toute nouvelle, hein? Donc, première règle, de ne pas dire bonjour, c'est une perte de temps. Hein, dire bonjour au début de chaque appel, c'était superflu pour les autorités téléphoniques de la Grande-Bretagne. Leurs instructions dans les guides d'utilisateurs dans les années 20 conseillaient aux gens de ne pas dire bonjour. Le bonjour est déjà inclus, dans le fond, est déjà compris. Tout le monde le sait que tu veux dire bonjour à la personne. Et le temps est usé de plus pour les plaisanteries. Hein, les plaisanteries comme bonjour, ça prenait les lignes téléphoniques que d'autres auraient pu utiliser à ce moment-là. Hein? Les fans de Get to the Point vont aimer ça, c'est sûr. Ensuite, suivre les conseils d'Alexander Graham Bell, l'inventeur du téléphone, qui suggérait un autre message de bienvenue à la place de Hello, c'était Ahoy. Comme chez les pirates. Évidemment, ça a pas vraiment fonctionné, mais ça reste plus amusant à dire que Hello. Donc, vous pouvez recommencer à utiliser ça si ça vous tente. Ensuite, toujours être prêt lorsque vous appelez quelqu'un. Hein, au début du 20e siècle, les gens plaçaient des appels et ensuite laissaient leur téléphone décrocher et faisaient d'autres affaires pendant que la connexion se faisait. Donc, souvent, ils allaient même faire ça par un autre membre de la famille, un serviteur, et disaient à l'autre personne d'attendre pendant un bout pour après ça venir chercher l'appel. Donc, si t'as pas le temps d'appeler quelqu'un tout de suite, ben appelle-le pas, hein? Ensuite, toujours sur la liste des règles de l'étiquette du téléphone, ne jamais inviter quelqu'un à une fête par téléphone. Donc, au début du 20e siècle, c'était considéré comme pas très correct d'inviter quelqu'un à un party par téléphone. On devait utiliser du vrai courrier, selon les experts de l'étiquette, parce que la nouvelle technologie n'était pas aussi importante que le party lui-même. On devait y aller avec les bonnes vieilles façons. La permanence du papier aussi, de la personne qui le recevait, un rappel d'où était le party. Parce qu'évidemment, il n'y avait pas de rappel, de reminder dans leur application sur leur téléphone à ce moment-là, parce qu'il n'y avait pas d'application. Hein? Par contre, si tu te fais inviter par téléphone à un party, tu devais aussi répondre par téléphone. Donc, si quelqu'un brisait la règle numéro 4, vous deviez briser la règle numéro 4 en suivant la règle numéro 5. C'était un faux pas de répondre autrement que par téléphone. Numéro 6, ne jamais demander comment ça va. Hein, évidemment, l'identification de l'appel a éliminé ce problème-là. Non, pardon, j'ai mal lu. Ça, c'est ma faute, je m'assume là-dedans. C'est qui êtes-vous qu'on devait pas demander. Voilà. L'identification de l'appel a évidemment enlevé ce problème-là. On n'a plus besoin de demander. On n'a même plus besoin de dire non plus « Salut, c'est Mathieu » quand t'appelles, mettons, à quelque part. Parce que tout le monde le sait. Mais l'étiquette, au départ, disait aux gens de deviner plutôt que de demander directement « Qui êtes-vous ?» Le raisonnement était que la question « Qui êtes-vous ?» était un petit peu diminutive. Et ça a encore bien du sens aujourd'hui. Sérieux, si t'appelles quelqu'un puis que quelqu'un te demande c'est qui, tu te sens toujours mal. C'est comme, ben là, c'est ton propre fils. Ensuite, de toujours régler les chicanes par téléphone. Le guide du début du 20e siècle pour les femmes les conseillait de toujours gérer les chicanes par téléphone. Selon le guide, la capacité à immédiatement se connecter à quelqu'un par téléphone empêchait les deux personnes de ruminer leurs problèmes chacun de leur côté. T'sais? Donc ça empirait les choses de rester chacun de son bord et de penser à la chicane. Donc on disait régler ça par téléphone. Un peu comme on dirait de régler une chicane dans la vraie vie, en temps réel, tout de suite, à la place d'aller se coucher, mettons. Pas se coucher fâché. Ensuite, ne pas jurer. Donc, ne pas sortir de jurons. Dans certains réseaux de téléphone, dans les années 1910, utiliser un langage profane pouvait occasionner un frais ou même un voyage devant la cour. Donc, il fallait rester poli et ne pas sacrer. Ensuite, le numéro 9 me fait rire un peu, c'est de faire attention à vos poils dans la face. C'était pour encourager les gens de parler plus clairement dans leur téléphone. Un service en Californie rappelait les utilisateurs masculins de couper leurs moustaches. Ou en tout cas de ne pas tenir leur moustache près de l'ouverture du téléphone. Donc l'ouverture, la place où on parle dans le téléphone. Donc de faire attention à ça. Ou sinon de se raser d'un petit peu plus près pour ne pas gratter dans le téléphone. dire votre numéro de téléphone lorsque vous répondez au téléphone. On rappelle qu'on est dans la liste des règles de l'étiquette du téléphone dans les années 20, au tout début de la technologie. Donc, c'est une bonne méthode pour s'assurer que les gens avaient le bon numéro. Ça prenait un petit peu de temps, parce que là, on se rappelle qu'on nous avait dit de ne pas dire bonjour pour sauver du temps. Mais bon, donc, c'est ça, on répondait en disant son numéro de téléphone. Un peu comme sur une boîte vocale où un répondeur, on disait, bon, vous avez rejoint tel numéro de téléphone, c'est que comme ça, la personne ne laissera pas un message à la mauvaise personne si c'est un mauvais numéro. Hein? C'est toujours une bonne façon aussi de se rappeler soi-même de son propre numéro de téléphone. Quelque chose qui s'est perdu avec le temps, moi. Mettons que mon numéro de téléphone, je le connais parce que je l'ai depuis vraiment longtemps, mais sinon, quand ils étaient nouveaux, c'était bien rare que je m'en rappelais, même après plusieurs années. On nous dit toujours dans la liste des règles d'étiquette du téléphone dans le bon vieux temps de ne pas avoir peur de dire à quelqu'un de se la fermer. Donc, dans les années 40 et 50, c'était pas méchant d'arrêter quelqu'un en plein milieu d'une phrase pour leur dire que la conversation était terminée. En fait, dans les services téléphoniques, on donnait une phrase suggérée, une phrase à utiliser, qui était « Je m'excuse, mais je dois arrêter maintenant. Merci d'avoir appelé. » T'imagines de terminer une conversation comme ça? « Je m'excuse, faut arrêter. Merci d'avoir appelé. Bye. » C'est tellement bête, mais dans les années 40 et 50, c'était comme ça que ça fonctionnait. On nous conseille de garder sa bouche à 1 pouce et demi du récepteur. Hein? Évidemment, on se rappelle qu'il y avait un récepteur, puis l'autre partie, là, l'affaire que tu parlais dedans, puis l'affaire que tu recevais la voix dans ton oreille. Donc, c'était calculé, c'était la distance idéale pour s'assurer de la meilleure qualité sonore, pour éliminer le criage aussi. Donc, on disait parler à une, distance appropriée d'un pouce et demi. Voilà. Portez attention est le prochain conseil, quand même assez évident, mais les compagnies de téléphone devaient rappeler aux gens de focusser sur leur conversation et non pas sur leur cigare ou sur leur journal. Un rappel qu'on a encore besoin, je pense, de dire aujourd'hui. Sauf peut-être pour le cigare. Et sauf peut-être pour le journal. De ne pas appeler ensuite avant 9h du matin. À moins, bien sûr, que la personne que t'appelles t'ait dit spécifiquement que tu pouvais appeler avant 9h du matin, on vous conseille de ne pas le faire. Et finalement, ben, ça va dans le même sens, de ne pas appeler après 21h. Donc, ne pas toucher au téléphone en général, ne pas appeler, ne pas recevoir, juste pas de téléphone après 21h. Pas de courriel, pas de texte non plus, à l'époque, je pense. Non, mais pour vrai, dans de nos jours, peut-être que le courriel et le message texte passaient au moins une heure avant votre heure de dodo, je pense. Ce serait probablement mieux pour vous, mais bon. C'est pas mon genre de suivre ces conseils-là non plus. Voilà, c'était la liste des règles de l'étiquette des téléphones au début de la technologie dans les années 10, 20, 30, 40, 50, début, bon. Début et plus, hein? Début et plus. On écoute The Pack 80 avec Cellophane, puis après ça, on revient avec C'est un fait. Ah, ça m'a joué. Tupac AD. Et la pièce Cellophane à Assemblage requis. Ah, maintenant, tu sais, pour les habitudes du lundi, vous allez vous reconnaître un peu parce que c'est de dernière heure, ça nous arrive là. Voici pas vraiment David Ferron et une approximation de sa chronique qui est là de Salé. Salé, not, not, not, salé. Quelque chose de salé, not, not, not, salé, not, not, not, salé. Quelque chose de salé, not, not, not, salé, not, not, not, salé, not, not, not, salé. Look at my nuts. J'essaie de faire le côté de Steph, mais t'sais, c'est difficile parce qu'il faut que je fasse le background vocal aussi. Back vocal, c'est moi, c'est mon rôle, le back vocal, you know. C'est la chronique Les Notes Salées avec David Ferron qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais il nous a quand même envoyé un petit paquet surprise par la poste, ou encore il nous a appelé sans dire allô, pour ceux qui écoutaient la chronique d'avant. Il nous a envoyé une pièce de l'artiste Erad, c'est un groupe en fait, leur pièce qui s'appelle Fauché. Et David va avoir en entrevue ce soir à son émission Hamza, le chanteur du groupe Erad. Donc ça a lieu ce soir lundi entre 18h et 19h à l'émission Palmarès du Monde avec David Ferron. Donc on écoute ça à l'instant. Voici Erad et Fauché au 89.1 FM. C'était Erad avec la pièce Fauché dans les notes salées de David Ferron. On rappelle que David va recevoir Hamza, le chanteur du groupe Erad, ce soir à Palmarès du Monde. C'est les lundis entre 18h et 19h. Et ça repasse les jeudis à 16h et les samedis à 15h sur nos ondes. Cif.ca pour la programmation complète. David Ferron et Palmarès du Monde, on le remercie. On le retrouve la semaine prochaine ici même à Assemblage requis pour sa chronique Les Notes Salées les lundis à 8h30. Maintenant, je vous le promets depuis un bon bout, c'est assez de repousser ça pour des nouvelles de dernière heure comme ça. C'est le moment de retourner à une autre portion de C'est un fait. On en faut chanter encore. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, c'est la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables. Je vous avais promis une deuxième partie, donc en voici une autre trolley de fait. Commençons en 1910 avec le président Roosevelt qui était en accord avec une loi qui aurait relâché des hippopotames en Louisiane pour manger une espèce de plante invasive et pour fournir aussi du bacon d'hippopotame aux Américains affamés. C'est selon Wired.com. Une source fiable. Donc, des hippopotames en Louisiane. Il a neigé 8 pouces de neige le soir de l'inauguration de John F. Kennedy pour nettoyer l'avenue Pennsylvania Avenue. Des hommes, une armée d'hommes en fait a travaillé toute la nuit en utilisant des lance-flammes pour se débarrasser de ces 8 pouces de neige. En 2005, le premier ministre de l'Italie, Silvio Berlusconi, a insulté la cuisine finlandaise. Je crois que Steph me corrigerait pour dire finnoise, mais finnoise, finlandaise, en Finlande. Bref, la Finlande qui plus tard en 2008, on se rappelle c'est en 2005 quand il a insulté ça, en 2008, une pizza de Finlande a gagné un concours de pizza international, arrivant en premier devant l'Italie et en deuxième, devant l'Italie qui est en deuxième place et l'Australie en troisième place. Le nom de la pizza dorénavant est la pizza Berlusconi. Le chanteur James Blunt a mis aux enchères sa sœur sur eBay sous le nom de demoiselle en détresse, qui avait besoin d'être amenée en quelque part parce qu'elle était incapable de se rendre à une funéraille, à des funérailles finalement. Donc le gagnant est venu la chercher en hélicoptère. Ils ont sorti ensemble pendant 3 ans et ils sont maintenant mariés grâce à une enchère sur eBay de la part de, du chanteur James Blunt. Si Bart Simpson avait vieilli normalement, comme nous tous, il serait rendu à 35 ans, ce qui est un an plus vieux que l'âge donné à Marge dans la première saison, qui avait donc 34 ans. Les Simpsons ont littéralement été en onde pendant une génération complète. Pendant qu'il développait l'ordinateur Macintosh, Steve Jobs voulait ajouter un caractère mystérieux qui apparaîtrait... Je pense que c'est un personnage dans ce cas-là, monsieur. Donc, Steve Jobs voulait ajouter un personnage mystérieux qui apparaîtrait une fois par 1000 fois que tu utilisais un certain élément dans l'interface d'utilisateur graphique. Donc, ça aurait été un personnage qui clignerait des yeux et qui disparaîtrait tellement rapidement qu'on serait pas sûr si c'était quelque chose qui avait vraiment eu lieu ou si c'était quelque chose d'autre, genre de dans ta tête, tu sais, mettons. Donc, un personnage et non pas un caractère. Les scientifiques en Allemagne ont développé un bonbon qui ne cause pas de caries. Les scientifiques d'un laboratoire de biotechnologie basé à Berlin, OrganoBalance, ont développé un bonbon qui ne cause pas de caries. Comment est-ce possible? C'est que les caries sont causées par une bactérie dans la nourriture nommée Streptococcus mutans. Voilà. Ça s'accroche à vos dents tout en relâchant de l'acide pour dissoudre l'émail des dents. Mais ce mutant-là qui cause des caries a un archennemi nommé Lactobacillus paracasei. Cette bactérie-là empêche Streptococcus mutans d'attaquer vos dents en se collant au sucre, à un sucre, pardon, sur sa surface. Voilà. Donc essentiellement, les scientifiques ont créé un bonbon mettant en vedette une version morte de la Lactobacillus paracasei pour que ça ne cause plus de problèmes, que ça colle seulement à la mauvaise bactérie. Selon les chercheurs, les bouches des sujets test avaient un niveau faible de Streptococcus, voulant dire qu'il y avait une réduction significative du risque de carie. Voilà. Hitachi a déjà produit un guichet automatique bancaire, un GAB, un ATM, qui réchauffait les billets à 200 degrés Celsius pour tuer les bactéries dessus, et ensuite qui les repassait, au fer repasser si on veut, avant de les donner pour enlever les bactéries. Si on reste dans le domaine des bactéries, avouons-le, l'argent c'est pas mal l'affaire la plus dégueulasse au monde. Quand on y pense au nombre de gens qui ont touché ça, puis le papier ça imbibe les affaires, mais c'est un peu dégueu. Depuis les années 1990, Carmel en Indiana remplace toutes les intersections avec les panneaux, les panneaux et les lumières. Il remplace ça par des carrousels hein? Donc des points, des ronds-points, comme on l'appelle. Les avantages, c'est entre autres des économies d'essence de 24 000 gallons par année par carrousel. La construction coûte 125 000 $ de moins par intersection. Les accidents, les blessures ont descendu de 80% et les accidents au total, les accidents en général, ont descendu de 40% en tout. Donc, c'est des carrousels, des ronds-points ou des beignes routiers partout à Carmel, en Indiana. Les tigres ne peuvent pas ronronner. Pour montrer, pourtant c'est des félins, on s'attendrait à ça, qu'ils puissent ronronner, mais non, pour montrer leur bonheur, les tigres vont plisser ou fermer les yeux. C'est quand même cute, parce que perdre la vision va baisser leur niveau de défense. Donc les tigres et plusieurs autres félins vont faire ça seulement lorsqu'ils se sentent confortables et en sécurité de fermer les yeux. Vous avez tous déjà vu des chats vous faire le beau, vous faire la belle en faisant des petits yeux fermés. Ben, c'est pour ça, ils se sentent en sûreté avec vous. Historiquement parlant, les docteurs chinois, donc les docteurs en Chine, ne se faisaient payer que lorsque leurs patients étaient en santé. Les paiements arrêtaient si les patients tombaient malades jusqu'à ce que la santé revienne. Ça marchait à l'envers. C'est une maudite bonne idée, ça. On s'entend qu'un docteur est supposé de garder en santé. Tu sais, en tout cas. Le nombre... la durée moyenne de temps. Ça va être super sexiste. La durée moyenne de temps qu'une femme peut garder un secret pour elle, selon une étude, est de 47h15. C'est selon le Telegraph au Royaume-Uni. Une femme peut garder un secret 47h15. Steph est pas là pour se défendre, que voulez-vous. Savez-vous ce que c'est un ultra-crépidarien? Ultra-crépidarien, c'est quelqu'un qui donne son opinion sur des sujets dont il n'a aucune idée. Il est absolument pas au courant. Il parle à travers son chapeau, donc un ultra-crépidarien. On en connaît tous une trollée de ça. Twinkle, Twinkle, Little Star. Vous connaissez la chanson? Moi, aujourd'hui, je chante beaucoup, vous avez remarqué. Chanter, barre oblique, c'est plus du slam. Parler sur une certaine note qui n'est pas vraiment la bonne. Mais j'ai chanté plusieurs intros aujourd'hui. Twinkle, Twinkle, Little Star. On connaît tous cette chanson-là. Ou encore A, B, C, D, E, F, G. Ou en français A, B, C, D, E, F, G. Et il y en a plein d'autres. C'est tout chanté sur la même mélodie. Hein? La mélodie d'une chanson française, je ne savais pas. Moi, je ne savais pas. Sûrement, vous le savez. Moi, je ne savais pas. Il y a des affaires que je ne sais pas. Mais c'est A, vous direz, je maman. Une chanson française de 1761. Arrangée, entre autres. C'est ce qui l'a rendu célèbre, cette chanson-là. Ah, vous direz, je maman, apparemment. Mozart qui a arrangé cette chanson-là. Je sais pas quelle année, mais donc en 1761. Vous direz, je maman. Je sais pas. Il y a un parc qui s'appelle Edible Park à Asheville, en Caroline du Nord, qui a plus de 40 fruits différents et des arbres à noix. Le public a le droit de venir les ramasser, les manger. Donc, des fruits frais et des noix à Edible Park à Asheville, en Caroline du Nord. En 2001, est-ce qu'on pourrait dire conversationnalistes, des gens qui parlent aux animaux, bref, hein? Non, c'est pas vrai du tout, c'est pas seulement tout, je niaise. Des ceux qui veulent conserver, qui veulent préserver la vie animale. Ils ont approché Wimbledon en espérant pouvoir protéger une espèce de souris, la Eurasian Field Mice. Les gens de Wimbledon ont décidé de donner 36 000 balles de tennis qui étaient utilisées dans leur tournoi à un groupe de conservation des animaux pour pouvoir recycler les balles, pour pouvoir les utiliser comme maison de souris. Donc on coupe un petit trou à l'intérieur du dessus de la balle, mais en fait d'un des côtés de la balle, et on utilise ça pour héberger ces souris-là. C'est un moyen d'encourager la population, d'augmenter la population de souris existantes. Et en plus, ces balles-là sont sécuritaires, les empêchent de se faire manger par des prédateurs comme des oiseaux ou encore des écureuils. Il y a un fruit qui s'appelle le Black Sapote, ou sapote, ou encore le fruit du pudding au chocolat, qui goûte exactement le pudding au chocolat, apparemment, et qui est aussi faible en gras, qui a environ 4 fois plus de vitamine C qu'une orange. C'est donc le Black Sapote, S-A-P-O-T-E. Sûrement qu'on le prononce pas comme ça, mais quand même, allez voir, le fruit en tant que tel n'a pas l'air super appétissant, mais ça goûte le pudding au chocolat, j'en veux, c'est sûr. Ensuite, Marvel Comics, vous connaissez Marvel Comics, c'est la légende Stan Lee qui dit que son super pouvoir préféré est la chance. Parce que si t'es chanceux, tout ce que tu veux faire, tu peux l'accomplir. La chance serait le plus grand pouvoir du monde. Ça, c'est Stan Lee de chez Marvel Comics. Dans l'émission The Walking Dead, avant que leur personnage meure, les acteurs de The Walking Dead vont recevoir un dernier souper, comme dans la religion, le Last Supper, où on leur donne des souvenirs de l'émission. Parce qu'évidemment, il y a tellement de personnages qui meurent dans Walking Dead. on veut quand même leur rendre hommage et pas juste les tuer comme n'importe qui d'autre. Faut que ce soit spécial. Au début de l'émission, That 70's Show, 70 en français, les réalisateurs demandaient à ce que les acteurs soient tous âgés de 18 ans ou plus. Mila Kunis, qui avait 14 ans à l'époque, a dit au directeur du casting qu'elle aurait 18 ans, mais elle n'a pas dit quand. Je vais avoir 18 ans, là, un jour, éventuellement, hein, peut-être. Ashton Kutcher, le copain de Kunis dans l'émission, avait 20 ans à l'époque et elle 14 ans. Cute. Un des papes est devenu pape par accident, à 100%. Au Moyen Âge, les cardinaux votaient au hasard sur un bulletin pour voter pour le pape, finalement. Non, attends un peu. Les cardinaux votaient pour un candidat au hasard, voilà. Votaient pour un candidat au hasard sur le premier bulletin de vote pour pouvoir voir par où les autres cardinaux penchaient, bref, de quel bord ils penchaient. En 1334, cette technique-là retombé sur le nez quand ils ont tous voté pour la même personne. Un très très surpris pape Benoît XII à l'époque, Bénédicte XII. Je pense qu'en français on dit Benoît. Donc un accident complet. Mary Fields, une ancienne esclave de 200 livres, 6 pieds de hauteur, est devenue la deuxième femme, et la première afro-américaine, afro-américaine en général, je pense que ça inclut les deux sexes, à travailler pour le service postal du Montana. Elle a commencé à travailler pour le USPS, c'est le service postal américain, à l'âge de 60 ans. Après avoir attaché une équipe de 6 chevaux plus rapidement que n'importe quel cowboy, d'accord? Et elle n'a jamais raté de travail sur une période de 10 ans, même pas une seule journée. Alors on reste dans le courrier UPS qui a été fondé par 2 adolescents avec un vélo et 100$. C'est comme ça qu'ils ont démarré UPS. En 2009, Burger King a lancé une campagne. Si tu enlevais 10 de tes amis sur Facebook, donc unfriended, ça veut dire les enlever de vos amis, vous aviez droit à un vrai Whopper gratuit. L'ex-ami recevait un message expliquant que leur amitié avait moins de valeur qu'un Whopper. Leur poster disait, leur campagne publicitaire, l'amitié est forte, mais le Whopper est plus fort encore. À chaque 10 amis, je veux dire, sérieusement, on peut tous en enlever plusieurs dizaines de nos amis sur Facebook. C'est tout pas vraiment des amis. Il y en a plein là-dedans que c'est juste des connaissances. Mais bon, c'est pour un Whopper, je serais prêt à faire ça, là. L'auteur William Peter Blatty a déjà gagné 10 000$ dans l'émission télévisée de Groucho Marx, You Bet Your Life. Lorsque Groucho a demandé ce qu'il prévoyait faire avec l'argent, il a dit qu'il travaillerait, qu'il prendrait un petit peu de congé, de temps de congé, qu'il travaillerait sur son roman. Le roman, l'avons-nous appris plus tard, était L'Exorciste. William Peter Blatty gagnait 10 000$ dans un quiz de Groucho Marx. Puis finalement, il a écrit The Exorcist avec cet argent-là. Bravo. L'inventeur du Squirt Gun, Super Soaker Squirt Gun. Vous connaissez, c'est le fusil à eau. Super Soaker, très populaire. C'est un des jouets les plus populaires au monde. A été développé par un... En fait, inventé par un scientifique de la NASA qui aussi a aidé au développement du Stealth Bomber et de la mission Galilée vers Jupiter. Son nom est Lonnie G. Johnson. Un autre nom maintenant, Martin Pistorius, c'est le seul lien que j'ai trouvé. Martin Pistorius, qui est tombé dans un coma quand il était jeune garçon. 2 ans après le début de son état végétatif, qui a duré 12 ans en tout, sa conscience s'est réveillée. 2 ans après le début de son coma. Donc il dit lui-même, après s'être réveillé 10 ans après le 2 ans, donc 12 ans plus tard, qu'il était pris dans son corps pendant 10 ans. Il était incapable de communiquer et seulement ses pensées étaient là pour occuper son temps. Donc imaginez, il était dans le coma pendant 12 ans et 10 ans, les 10 dernières années étaient passées éveillé mentalement. Wow, je pense que c'est le pire cauchemar que tu peux pas avoir. Le band Kansas avait une seule chance d'impressionner un producteur de disques dans la petite ville de Ellenwood au Kansas. Et pour avoir l'air le plus intelligent possible, le plus attirant possible, le band a promis de la bière gratuite à tout le monde qui se présentait à leur show, leur spectacle, leur audition, si on veut. Donc la place était complètement remplie et les producteurs les ont signés parce qu'ils ont vu qu'ils étaient populaires. Donc ils ont offert la bière gratuitement à tout le monde dans la salle pour avoir un contrat. Kansas, bravo. Tokyo a un super-héros, un auto-déclaré super-héros qui s'appelle Mangetsu Man. Il garde son identité secrète en portant un habit mauve avec un gros smiley face comme tête, donc un gros bonhomme sourire, et son travail et encore une fois, c'est lui qui se l'est donné lui-même, et de garder la ville la plus propre possible. Donc, il ramasse les déchets dans les villes, dans la ville de Tokyo. C'est le Mangetsu Man. Dubaï est en train de construire en ce moment. Est-ce qu'on me dit en ce moment? En tout cas, bref, construit une ville intérieure avec des rues avec air climatisé et un gigantesque centre d'achat de 8 millions de pieds carrés. Une espèce de grande ville intérieure. Allez voir ça, c'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant. C'est le Mall of the World qui va avoir sa propre rue Oxford et sa propre avenue Broadway. Il va aussi avoir des chutes d'eau, un dôme rétractable et il y a un contrôle du climat. Donc, c'était lancé en grande fanfare par le chef des Émirats. Est-ce qu'on dit des Émirats? Arabes Unis? Le Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, voilà. C'est sa vision. Donc, un endroit avec des hôtels, des magasins, du divertissement, tout plein de trucs pour la santé aussi. Collecté dans des avenues scellées hermétiquement. Donc, il y en a 7 km de ces avenues-là. Et puis, un tramway. Un tramway? Un tramway. Ben oui. Eh ben, c'est quelque chose, tout ça. Et finalement, une secrétaire a dit à Steve Jobs qu'il était en retard pour le travail parce que sa voiture ne voulait pas démarrer. Donc, Steve Jobs est revenu plus tard le même après-midi. Lui a lancé des clés pour une nouvelle Jaguar et lui a dit « Tiens, ne sois plus en retard, s'il te plaît. » C'est ça, être la secrétaire de Steve Jobs. Voilà, hey, je sais que les faits n'arrêtent pas aujourd'hui, mais c'est parce que je voulais atteindre le déficit zéro de mes faits. Je n'ai plus de faits en ce moment en sauvegarde. D'habitude, je me garde des affaires au cas où qu'il y ait des absences, c'est tout. Là, j'aurais plus de faits. J'ai passé au travers. Bravo, yes à moi. Yamey. Les liens sur assemblagerequis.com. On prend une petite pause. Au retour, on va se faire un mini bloc pub avec évidemment discussion sur le marketing et autres trucs, que ce soit affiche, publicité web ou peu importe. Donc, le bloc pub au retour à Assemblage Requis sur C'est Fou 89.1 FM. Déficit zéro. Yeah. Fou de contraste. Vous êtes dans la zone 89.1. Assemblage Requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, c'est toujours Assemblage Requis en ce lundi 19 janvier 2015. Je m'appelle Mathieu Plante, Stéphanie Paradis a congé aujourd'hui. Et j'interromps l'émission en ce moment pour vous présenter pour la première fois de 2015 l'Infocampus. Et c'est spécial parce que c'est un tout nouvel Infocampus qu'on écoute tous ensemble pour la première fois. Et voici maintenant l'Infocampus. À l'occasion du 27e Carnaval étudiant, l'UQTR vous transportera du 19 au 22 janvier prochain dans son monde imaginaire ayant pour thème « Il était une fois, le Carnaval étudiant ». Chaque association de l'université s'est vue attribuer un sous-thème à saveur des plus grands personnages imaginaires de l'enfance, en passant par des sirènes, des fées, des fantômes ou encore des vampires. Plusieurs activités et spectacles se dérouleront sur le campus. Consultez la page Facebook pour obtenir l'horaire complet ainsi que le cahier du participant expliquant chacune des activités. Au Carnaval étudiant, viens créer ta propre histoire. L'Université du Québec à Trois-Rivières ouvrira ses installations aux futurs étudiants et visiteurs le samedi 24 janvier prochain de 11h à 16h, lors de la journée porte ouverte visant à faire découvrir les multiples facettes de la formation et de la vie universitaire sur le campus trifluvien. Le cœur des activités sera situé au pavillon Albert-Tessier et Ringuet, où une cinquantaine de kiosques d'information seront animés par des responsables de programmes, des professeurs, des professionnels et des étudiants. Un volet conférence a aussi été prévu, ainsi que des visites guidées. L'artiste d'origine chilienne, Pablo Poblete, expose ses dernières installations ainsi que des photographies récentes et des projections vidéo en lien avec le concept de psychopoète. L'exposition Poétiquement en psycho-objet est en cours à la galerie R3 de l'UQTR et ce jusqu'au vendredi 30 janvier. Jusqu'au 31 janvier, il sera possible pour les nouveaux étudiants de la session d'hiver 2015 seulement de se désister des assurances santé ou dentaire, et ce, de façon permanente ou pour la session en cours. Pour ce faire, rendez-vous sur votre portail étudiant, cliquez sur l'onglet « Info personnelle », cliquez sur le lien « Mon régime de soins de santé dentaire » de l'AGE. C'était votre capsule Info Campus. Wow. Ça, c'était ce que j'appelle maladement bon. L'Info Campus, retrouvez ça du lundi au jeudi à 9h dans l'Assemblage requis et à midi dans le Dîner de con. Vous êtes à l'Assemblage requis et on continue avec le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime Marine Land. Je préfère le Gouda. Burger King. I love you and I kiss you. $4.99 la minute. C'est le bloc pub et la chronique dans laquelle on parle de marketing, que ce soit publicité web, radio, télé, journaux, peu importe, tout est là dans le bloc pub. Et on commence avec Kraft qui lance une campagne minimaliste pour ses singles. Je trouve ça vraiment très très bien. Une offensive signée Union explique comment la simple vision d'un carré orange peut s'associer à celle d'un grilled cheese et donner la fringale à un Québécois. Le message est soutenu par une exécution en affichage et sur d'autres supports pendant l'année. L'objectif est de faire ressortir la forme et la couleur des tranches de manière ludique et inattendue. Selon la directrice de marque principale de Kraft Foods, Union ouvrira un bureau montréalais en avril prochain. Donc ici, on voit... moi, j'ai la publicité pour commencer visuelle. Ça y est, vous avez une fringale. Juste après vous avoir montré un gros carré orange. Tout aussi simple que ça. J'ai envie qu'on écoute... peut-être que vous avez déjà vu cette publicité-là à la télé, mais quand même, on écoute la publicité visuelle. Ne télé. Regardez pas ce carré orange. Ne regardez pas ça. Si vous avez une fringale de grilled cheese fait avec des singles de Kraft, il est préférable de regarder ailleurs. Car la simple vue d'un carré orange suffirait pour que vous vous mettiez à saliver, à vous imaginer le fondant de fromage de singles on de Kraft. On voit grilled cheese se défaire. Vous avez votre pain grillé. Il n'en faudrait pas plus pour que dans votre bouche, vos papilles se bousculent à l'approche de l'onctueux sandwich qui n'arrive pas dans les faits car vous êtes encore là devant votre écran. Alors, mieux vaut ne pas regarder. Parce qu'une fringale de grilled cheese, c'est plus fort que vous. Ah, wow. Tu vois, c'est dans ce cas-là que je suis content de ne pas avoir la télé comme ça. Je la vois pour la première fois là, alors que vous l'avez peut-être déjà vu, vous avez déjà tanné. Mais quand même, la voix de Marc Labrèche, pas mal, hein? C'est pas mal la voix de Marc Labrèche. Bravo pour cette pub-là. Moi, ça me prend du beurre, donc j'aurais besoin d'un carré jaune, blanc aussi. Et je porterai très fièrement le carré orange. C'est sûr. S'il y avait un macaron, chose comme ça. C'est une bonne technique pour vrai. Pensez-y, Kraft. Air Transat qui projette ses étiquettes en grand. À Montréal et à Toronto, des façades d'immeubles ont été illuminées d'une étiquette géante « Vacances Transat ». La campagne est signée Dentsu Boss. L'opération de marketing expérientielle s'est déroulée la semaine dernière, notamment aux alentours du Centre Bell et du Centre Air Canada, en soirée à l'occasion de matchs de hockey. Ces projections soutiennent le lancement d'une campagne de « Vacances Transat » dont la signature est « Du soleil pour tout le monde » par Dentsu Boss. Une campagne publicitaire et ambassadeur de marque pour promouvoir le bien manger chez Tim Hortons. Les célèbres beignes partagent maintenant la vedette avec d'autres produits offerts au menu de Tim et on essaie de vous vendre le point de vue santé de tout ça. À l'occasion du lancement de sa plateforme de nutrition en ligne Options équilibrées, Tim Hortons a déployé une nouvelle campagne de publicité nationale pour l'amour de bien manger et un programme d'ambassadeurs avec notamment la joueuse de hockey Hayley Wickenheiser ainsi que le joueur de basketball Tristan Thompson. La campagne présente 8 produits plus sains qui contribuent à adopter un mode de vie équilibré. Les célèbres beignes partagent maintenant la vedette avec d'autres produits offerts au menu, notamment le gruau maison avec fruits des champs ou la soupe légumes du jardin. Les publicités sont visibles dans les restaurants de la chaîne en version imprimée et sur les panneaux réclames. Donc, on nous montre soupe aux légumes du jardin, vous avez le droit d'avaler une bonne portion de légumes. Thé vert, une portion de zen. Gruau maison aux fruits des champs, une source élevée de fibres qui vous rassasiera. C'est un mot difficile, ça. Muffin, grains entiers, carottes et oranges, sans arôme ni colorant artificiel, juste du muffin. Café de qualité supérieure, quoi que vous y ajoutiez, il est toujours 100% Tim. Et parfait au yogourt grec, 3 couches de délicieux ingrédients nourrissants et 13 grammes de protéines. Pour aider à communiquer les bienfaits d'un mode de vie équilibré, Tim Hortons s'associe à Hayley Wickenheiser et Tristan Thompson pour un message personnalisé de chacun des ambassadeurs, décrivant leur philosophie sur la nutrition, leur rôle dans le programme ainsi que l'importance d'un mode de vie équilibré est disponible sur le site. La première campagne gay pour Tiffany & Company, l'entreprise de joaillerie, donc de bijoux Tiffany & Company, a lancé une première offensive mettant en vedette un couple gay signé Ogilvy & Mather New York pour promouvoir sa collection de mariage. Je cite... De nos jours, le chemin vers le mariage n'est pas linéaire et le grand amour peut arriver plus d'une fois au sein d'histoires de toutes sortes, mentionne la vice-présidente Relations publiques Amérique du Nord de Tiffany & Company, citée dans l'édition américaine du magazine Elle. L'entreprise a donc décidé d'inclure une publicité mettant en vedette un couple gay de New York alors que les barrières au mariage entre personnes de même sexe se sont levées dans un nombre toujours grandissant d'États américains. Alors qu'une fausse pub gay de Taco Bell, on en parlait il y a quelques semaines, a récemment suscité une réaction positive de l'entreprise. Des marques comme J.Crew, Gap et Banana Republic ont déjà déployé des campagnes mettant en vedette des personnes gays. À encourager, bien sûr. On va en parler à chaque fois que ça va arriver jusqu'à temps que ce soit rendu juste normal de le faire. Ça, c'est un petit peu plus... Disons-le, touché, c'est McDonald's après avoir dévoilé sa nouvelle approche axée sur l'amour. On en parlait la semaine dernière. McDonald's poursuit sa démarche en associant la marque à différentes tragédies, dont celle du 11 septembre et du marathon de Boston. La publicité a été diffusée dimanche soir à l'occasion, dimanche soir dernier, pas hier, des séries de la LNF, la NFL qu'on appelle souvent, et de la remise des prix Golden Globes. On y aperçoit une vingtaine de messages que différents restaurants McDonald's ont répandus sur leur enseigne. Parmi eux, un message, un hommage aux victimes du 11 septembre, à celle du marathon de Boston et aux anciens combattants. Il y a un Tumblr qui permet d'en savoir plus sur chacun de ces messages, car d'autres sont plus personnels. La campagne est ainsi signée. Chaque panneau raconte une histoire. Et on va écouter ça à l'instant. McDonald's Signs, c'est le nom en anglais. Donc, McDonald's, merci aux vétérans. Ah, il y a une belle chanson. Pray for Drew avec un hashtag. On sait pas c'est qui Drew. Que Dieu protège les États-Unis. Là, c'est un slideshow, là, c'est un diaporama. Keep jobs in Toledo, garder les emplois à Toledo. Pleurer pour les familles de Columbia. Nous nous souvenons du 11 septembre. L'autre, le logo est en rose, complètement pour le cancer du sein. Prier pour sauver les mineurs. Dieu nous a donné un miracle. Boston est fort. Nous serons de retour bientôt. Ça, c'est après une levée d'eau. Nous croyons en vous, Crystal. Ouvert, même si la pancarte est défaite. Joyeux 30e anniversaire à Ed et Beth. C'est une fille pour Rosalie Kay. Câlinez vos papas. Bienvenue chez vous. 95e anniversaire, Woody, on t'aime. Un petit peu d'amour peut changer beaucoup de choses. C'est bien stressant, puis c'est rapide. I'm loving it. Voyez les histoires derrière ces pancartes sur mcdonalds.tumblr.com. Quand même, ça aurait pu être un petit peu plus inapproprié, alors que je trouve que ce l'est parfaitement approprié. C'est un hommage à chacune des villes dans lesquelles McDonald's est présente, ou présent comme restaurant. Survivre à un incendie, une expérience interactive. Quelles sont les chances de survivre dans un incendie? La CMEICI lance une expérience interactive signée Fast Communication pour sensibiliser à l'importance de gicleurs automatiques. La SMUKI, c'est la Corporation des maîtres entrepreneurs en installation contre l'incendie, qui veut démontrer que même avec un détecteur de fumée, les chances de survie sont bien moindres sans la présence de gicleurs automatiques. Donc, elle propose un outil interactif qui permet de vivre le déclenchement d'un incendie et de tenter de s'en sortir. Donc, on va regarder à l'instant cette campagne publicitaire pour le CMEICI. Hein? Play. Go. T'es capable. Donc, CMEICI présente incendie. Je vais faire la narration, bien sûr. Si le cas échéant. On voit un bloc appartement de l'extérieur avec des lumières allumées, de la fumée qui sort de la fenêtre, une alarme qui sonne dans le lit d'une personne âgée. Alors, en fait, une personne âgée est couchée. Son cadran sonne parce qu'il a manqué d'électricité, je pense. Donc, l'alarme sonne ici. La personne, pas super âgée, mais quand même un vieux monsieur, a de la difficulté à se lever. Se frotte les yeux, la face. Mais ses lunettes. J'ai l'impression de faire la vidéo description pour une émission dramatique à la TV. T'sais. Cette émission est présentée en vidéo description. Il s'avance vers la porte, touche au mur. Touche au mur. Oh! Ouvre la porte, la fumée lui plonge dans le visage. Là, on est en première personne maintenant, on est rendu à la perspective de l'intérieur de l'homme. Frappe la porte. J'ai pas comme réalisé que c'était en français. La fumée continue. On le voit ramper par terre avec ses mains. On voit que c'est orange au fond, là, il y a du feu à quelque part là-dedans. C'est très très flou. Continue à ramper. Là, la fumée est de plus en plus noire. Et en fait, ce que j'en comprends, c'est que le site s'appelle incendie.cmeici.com. Vous pouvez comme vivre ça en plein écran pour avoir l'impression d'être vous-même dans la personne. Alors que là, nous, c'est une petite vidéo YouTube qu'on regarde. J'ai pas trop de contrôle sur rien, finalement. Juste avancer un petit peu plus loin, ça me dérange pas. Donc la personne arrête de respirer. Malgré l'intervention rapide des pompiers et malgré la présence d'avertisseurs d'incendie, vos chances de survie diminuent de façon importante dans un immeuble dépourvu d'un système de gicleur automatique, nous dit la vidéo. Dans 96,2% des cas, la présence d'un système de gicleur automatique suffit à maîtriser un incendie avant qu'il ne se propage. Donc CMEICI, la Corporation des maîtres entrepreneurs en installation contre l'incendie. Pour vivre l'expérience de façon interactive, encore une fois, c'est incendie.cmuici.com. Le lien sur assemblagerequis.com. Vous pouvez, j'imagine, contrôler le monsieur. Je l'ai même pas essayé. Je vous en parle juste parce que je trouvais ça intéressant. Mais j'ai pas été vivre l'expérience moi-même. La vidéo YouTube, t'as assez. Ensuite, on va parler Cisco, qui vous montre le dernier bouchon de circulation du monde dans une nouvelle campagne de Goodby, comment la technologie amène des dernières et non pas juste des premières. Donc, un jour, tous les problèmes d'infrastructure qui sont persistants depuis toujours seront obsolètes, nous dit Cisco. Donc, vous allez pouvoir les voir seulement dans des musées. C'est la thématique derrière Building Tomorrow Today, une nouvelle campagne pour Cisco par Goodby Silverstein and Partners qui commence avec The Last Traffic Jam, une publicité de 30 secondes qui nous montre un bouchon de circulation qui est maintenant un restant du passé et c'est à la place, c'est une œuvre d'art dans un musée. Hein? Donc le futur montre aussi des scénarios de dernière ou de première, par exemple la dernière un fil d'attente dans une épicerie ou un magasin, le dernier rappel de produit, le dernier... Tout ça, les dernières, finalement. Donc, on va écouter la version trafic. Un bouchon de circulation. Un restant de la vie du 20e siècle. Disruptor of supply chains, stealer of bedtime stories. Qui vous coupe le temps de lire des histoires à vos enfants. Voleur de temps. And one day soon, et un jour bientôt, nous verrons le dernier. Cisco construit l'Internet du tout et partout. Qui laissera le trafic derrière. Cisco, demain débute maintenant. Hein? Donc l'Internet de tout, le « the Internet of everything », on entend cette expression-là à tort et à travers un petit peu partout. Donc voilà, les gens ont évidemment la bouche ouverte, grande ouverte dans le trafic, parce que c'est, j'imagine, des statues. Hein? C'est un restant du passé. Allons-y avec du talent d'ici dans une campagne pour Little Bits. Si vous avez jamais entendu parler de Little Bits, c'est vraiment cool. Donc avec RGA New York, Karim Zarifa et Mom signent une offensive pour Little Bits, une gamme de modules électroniques permettant de créer entre autres des objets connectés. Parlant de l'Internet de tout et partout. Le but était de bien présenter le produit tout en le faisant connaître du grand public. Little Bits propose de petits modules qui s'assemblent pour former des objets électroniques. Par exemple, il est possible de créer un outil s'arrimant à une sonnette de maison et qui enverra un message texte au propriétaire lorsque quelqu'un sonnera à la porte. Pour vrai, allez voir, c'est vraiment cool. Pour montrer le côté inventif et ludique, l'offensive du designer et réalisateur Karim Zarifa et de la maison de production Mom mis sur les couleurs gays et sur la simplicité au moyen de démonstrations amusantes. L'initiative est déployée à la télé américaine et sur le web. On va donc aller, bien sûr, voir tout ça. La campagne de gens bien d'ici pour les gadgets de Little Bits. On écoute ça. Hop, c'est ça ici. Et hop. Et... voilà. Oh, c'est un 15 secondes, ça va même pas la peine en plus. Donc, inventer une machine à message texte pour la sonnerie, la sonnette de la maison. Donc, on voit les blocs s'assembler. On installe le bouton par-dessus. Et ça fonctionne, ça envoie un message texte. Tout ça dans une genre d'usine enfantine, si on veut, sur une grande table. C'est fait très, très... très, très garderie comme couleur, je trouve. Et le concept de pouvoir faire cette sonnette-là, qu'elle ait l'air visuellement d'une sonnette, mais que derrière ça, ce soit des morceaux de Little Bits super colorés. Et ça, ça existe pour vrai, on peut vraiment les acheter. Donc la deuxième, c'est d'inventer un Morning Waker-Upper pour vous réveiller le matin. On colle des Little Bits avec des aimants ensemble, Et une fois que l'alarme sonne, il y a des haut-parleurs qui font sonner l'alarme et le café va commencer à se faire. Le rideau va se lever, une main appuie sur le bouton pour partir à la machine à café. Et le café se met à couler dans la cafetière. Ça, c'est un 30 secondes. Bits used. Donc, les morceaux utilisés sont même montrés dans la pub. Dans la version 30 secondes, on donne plus de détails. Donc, ça dit « Snap your ideas to life ». Donc, claquez, snappez vos idées à la vie, si on veut. Amenez-les à la vie. Un distributeur à bonbons. Le prochain. Donc, on a snappé des morceaux ensemble avec un petit bouton. Le bouton, lorsqu'on le snap, allume l'application. Le chat va appuyer sur, sur le bouton. Et ça envoie un message texte à la personne qui dit de me nourrir. La personne appuie sur son message sur l'application de Little Bits et ça fait sortir des gâteries pour le chat. Dans le fond, vous comprenez que le chat appuie sur le bouton et l'humain appuie sur un autre bouton pour faire tomber la bouffe. Moi, je pourrais en écouter toute la journée. C'est super difficile à décrire à la radio, Little Bits. C'est vraiment, vraiment magnifique. Pour vrai, je pense que c'est une des choses qui m'impressionne le plus, moi, jusqu'à maintenant. Little Bits. Je connaissais déjà, mais j'avais pas vu les pubs, puis les pubs sont vraiment cool. On va à l'international, on va terminer très très bientôt, je pense qu'on va peut-être même terminer là-dessus. Leonardo DiCaprio et Robert De Niro en compétition pour un rôle. Les deux acteurs accompagnés du réalisateur Martin Scorsese sont associés dans une fausse bande-annonce faisant la promotion de la chaîne d'hôtels City of Dreams à Macao en Chine. Martin Scorsese est parvenu à réunir ses deux acteurs favoris dans une même production, mais c'est pour une publicité présentée comme une fausse bande-annonce, en fait comme une vraie bande-annonce pour le film The Audition, que sont en fait associés les deux artistes. Ils y sont accueillis par le réalisateur lui-même dans un hôtel de luxe à Macao. D'abord ravis de se retrouver dans le même film, Leonardo DiCaprio et Robert De Niro constatent qu'ils sont en fait en compétition pour le même rôle. Donc on va aller écouter cette publicité-là pour Macao. À vrai dire, je pensais pas que t'avais ça en toi. Ça a commencé à Macao à 23h32. C'est moi qui ai inventé ces casinos, je les ai construits. Là, c'est Robert et Léo qui pratiquent leur texte, évidemment. Les deux arrivent en même temps. Hey, bonjour. Ça va? Hey, les gars, Martin Scorsese qui arrive. Du réalisateur gagnant d'Oscar, Martin Scorsese. Donc, il leur apprend qu'il joue pour le même rôle. He could be just as comfortable negotiating a takeover as he is playing high stakes blackjack. May the best man win. You know, que le meilleur gagne. May the best person for the part. Que la meilleure personne pour le rôle gagne. Soit la personne choisie. I'm gonna be getting this part. J'ai de la misère, le son est pas très bon, j'ai de la misère à traduire, j'entends pas super bien. The Audition. Bientôt à l'affiche. Studio City Macao 2015. Bref, c'est pour une chaîne d'hôtels, donc City of Dreams à Macao. Évidemment, l'hôtel est utilisé comme décor à l'arrière-plan de la bande-annonce. Je sais pas si, en regardant cette publicité-là à la télé, j'aurais réalisé que c'était pour les hôtels. Pas tout à fait convaincu du concept, mais bravo d'avoir réussi à avoir autant de super acteurs. Voilà, c'est tout. C'est tout pour le bloc pub. On en fera une autre fois, on fait ça quand ça nous adonne, dans des cases horaires pas trop bien choisies à l'avance. Disons que le bloc pub, c'est une de mes non-régulières. Elle n'a pas de journée attitrée. Mais c'est souvent le lundi. Voilà, le bloc pub, les liens sur assemblagerequis.com. Nous, ça va être la fin d'Assemblage Requis pour aujourd'hui. Ah, enfin! Mais nous serons de retour demain entre 6h30 et 9h30 en direct à partir de 7h30. Restez sur nos ondes, à 11h sera le dîner de con avec Danny Janvier, l'émission qui joint l'inutile à l'agréable. À 13h, c'est les coups des franches. À 17h, Radar Jeunesse. 18h, Parlera du monde avec David Ferron qui recevra quelqu'un de RAD en entrevue, on l'a dit tantôt. Ensuite, Rock de Neuron est à 20h. CIF.ca pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Demain, l'émission va être mardi, évidemment, comme partout ailleurs sur la planète, dépendant du moment de votre fuseau horaire. Demain, on aura Gabriel Béaud de La Luitre et on fera sa plus simple expression avec Stéphanie Paradis. Passez une excellente journée. On se quitte avec la programmation du carnaval qui débute aujourd'hui à 10h avec la première activité. Bonne journée. À demain. Bye. Et voici maintenant l'Info Campus. Ah, je t'en remercie, l'Info Campus. 7e carnaval étudiant. Ça, c'est pas fort, c'est ma faute. Ça sonnait tellement bien. Ah non, ça sonnait trop bien. Faut que je recommence, attention. Je vais juste remettre le thème à la fin. Ah ouais, tiens, regarde ça. Regarde ça. Il était une fois le carnaval étudiant.